Alors, le deuxième point, c'était sur qu'est-ce qui se joue un peu dans le passage rond-point AG, c'est-à-dire depuis l'évacuation de bon nombre de ronds-points à la fin du mois de décembre. Et pour ça, on s'est dit que ce serait intéressant de donner quelques éléments par rapport à qu'est-ce que ces occupations de ronds-points ont créé de vraiment très intéressant dans cette période, quoi, disons. Alors d'abord un élément, enfin deux trois éléments de contexte. Disons le fait qu'il y a une évolution des formes de conflits entre les années 90-2000 où ce qui était assez présent, c'était une combinaison entre grève et piquets sur les lieux de travail ou les lieux d'études. Donc exemplairement le mouvement de 95 ou le CPE en 2006. Et que face à, pour différentes raisons, notamment au renforcement des formes de répression et aux difficultés de parvenir à faire reculer le pouvoir et à obtenir satisfaction un minimum sur des revendications, il y a eu un déplacement qui s'est opéré du côté des occupations de place, du côté des occupations de territoire. Donc on pense au mouvement des places. En France, ça a été moins important que dans d'autres endroits, Nuit debout un peu, la ZAD surtout, les ZAD disons. Et donc la dimension revendicative, sans disparaître, a paru peut-être d'une importance un peu moindre et relayée, disons, par une affirmation et une construction d'un autre monde, ici et maintenant, et à travers la forme privilégiée de l'occupation, donc de la rue, des places, du bocage, des forêts, etc. Et donc, il nous semble que les Gilets jaunes, quelque part, ont repris cette forme-là d'occupation. Et finalement, ce qui nous semblait intéressant dans les formes d'occupation là, pour beaucoup, c'est que ces occupations de rond-point rendaient un peu indissociables à la fois l'édification d'une communauté, au sens où c'est un lieu de rassemblement, de rencontres, où les gens qui étaient isolés ou pas font connaissance, échangent, etc. Et aussi un lieu d'action dans le même temps, où on peut procéder à des filtrages, des blocages de circulation, etc. Et quelque part, ça renvoyait effectivement à cette histoire de fragments de monde qui s'ébauchait, qui se densifiait sur ces espaces. Et avec l'évacuation d'une bonne partie des ronds-points à la fin décembre, on est reparti sur des formes plus attendues, plus usitées des assemblées générales, et où parfois on peut parler et puis ça ne porte pas forcément à conséquence. Alors du coup, la question un peu qu'on se posait, c'était comment, disons, retrouver cette indissociation entre action et affirmation d'une communauté nouvelle. Un exemple, pour être un peu concret, c'était ces histoires d'organisation avec les commerçants sur le boycott et qui associeraient des formes de blocage des grandes surfaces. Et donc, une façon de rendre indissociable, pour le dire autrement, l'autonomie populaire et la manifestation d'un conflit avec les pouvoirs établis. C'est pour dire que si on arrive à se rencontrer suffisamment pour se connaître et pour organiser des actions qui mêlent justement plusieurs formes, à la fois le boycott, à la fois le blocage, on sait très bien quand on bloque, on se fait expulser très rapidement, mais on peut après rebondir. Ça repose beaucoup sur la constitution de groupes quand même, qui se connaissent et qui peuvent mixer différents types d'actions. Moi, personnellement, je trouve que maintenant, défiler le samedi, ils ont tellement joué de tous les ressorts qu'ils ont avec les violences policières, en plus qu'on risque de perdre une main, un œil, etc., quand ils nous nassent, etc. Mais je veux dire qu'on sent la limite de cette forme-là. Il faut revenir peut-être à des formes plus variées ou qui mêlent plusieurs registres. On ne peut pas en rester aux manifestations du samedi parce qu'elles sont un peu trop, malheureusement, très destructrices pour nous, mais aussi répétitives, et qu'il faut mélanger les formes d'action. Enfin, en se connaissant sur des bases de groupes qui se connaissent. J'ai l'impression que la question qui est posée, c'est une question très concrète. Hein. Il y a des points fixes, il y a des ronds-points, il y a des assemblées. Les assemblées, elles retrouvent des écueils qu'on est surpris de retrouver, de formalisme, de ce qu'il y avait de moins bien peut-être dans Nuit debout et tout ça. Et puis il y avait aussi, ce qui a pas, je rajoute juste cette remarque, c'est que suite à l'Assemblée des Assemblées de Commercy, il y a eu un appel, je crois, de Saint-Nazaire à ouvrir aussi des maisons du peuple. Donc là, je crois qu'on est un peu à la croisée des chemins sur les formes que prennent les rassemblements divers, quoi. Donc il y a des points fixes. Il y a la club de lecture qui était un truc plus théorique par certains côtés, mais ça peut, vu qu'on est masse, ça peut très vite... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que ce qu'on appelle l'assemblée, qui est quand même les gens de l'extérieur, passent devant les points fixes ou alors viennent à des assemblées. Ils savent qu'il y a des assemblées toutes les semaines dans certains groupes locaux et viennent là. Donc j'ai l'impression qu'il y a un truc à jouer sur la clarification de la fonction de l'assemblée, de son rôle concret. Et un slogan qui était écrit, qui était pas mal, c'était « on n'est pas là pour débattre, on est là pour décider ». Donc certaines assemblées sont, ressemblent de très près à des lieux d'action, en fait, où sont validées des actions, où les groupes se forment par petits groupes. Et donc je pense qu'il ne faut pas rejeter d'emblée, les, sous couvert des écueils un peu formalistes, ce qui se passe actuellement avec les assemblées. Mais c'est juste une façon de relancer cette discussion, qui je pense est l'actualité en fait, des formes que prend le mouvement, même localement, entre Montreuil, Belleville, l'Est parisien et tout ça. J'ai l'impression qu'on a un moment un peu clé dans l'organisation concrète des assemblées et de ce qu'on en attend et ce qu'on en espère, ou s'il faut passer à autre chose. Oui, moi je pense que toutes les formes sont bonnes à prendre, hein, puisqu'on est dans un moment d'insurrection. Tout est bon, assemblée, débat action, débat pas action, engueulade. Moi, j'aime beaucoup hein, ce qui se passe, que des gens râlent. Il y a des camarades qui sont vachement bien organisés, mais ça peut déplaire. Hein. Ça peut paraître scolaire, ça peut paraître formaliste. Moi, ça ne me gêne pas du tout, tout le monde a le droit de gueuler. Et comme dit le camarade, on est excité. C'est vrai que le climat est très anxiogène. Moi, je ne suis pas énervée, je suis enragée. Je suis enragée par tout ce qui se passe, par la répression policière de ce pouvoir. Et moi, j'ai trois idées en tête, moi. Nous devons être subversifs. La subversion, c'est pas la révolte. Hein. La subversion, c'est vraiment les faire chier. Et comme ils sont vraiment retardés dans leur tête, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à ce qu'on est, eh bien, ce qu'on fait actuellement, l'histoire des Gilets jaunes, c'est subversif. Personne n'a jamais fait ça ces dernières décennies en France. Les combats n'ont jamais été de mettre un gilet jaune. En plus, gilet jaune qui a été vendu par Sarkozy à la population. Je trouve que c'est vachement subversif, ça. C'est une idée géniale. On doit rester une force de contre-pouvoir. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'on a comme contre-pouvoir ? On n'en a pas. Hein. On avait Mélenchon. Et ne me jugez pas, je parle de Mélenchon, je ne vote pas. Moi, il y a longtemps que j'ai compris que c'était une connerie, que la démocratie, ce n'est pas le vote. Donc, on avait Mélenchon, mais ils sont en train de descendre. Hein. Ils font tout pour le casser. Donc, on n'a pas de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir actuel, à mon avis, hein, ce sont les Gilets jaunes. Donc, restons force de contre-pouvoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'organiser. Il ne faut pas faire de liste aux élections européennes. Il ne faut pas tomber là-dedans, surtout pas. Restons sauvages. Voilà, c'était mon troisième adjectif. On est des sauvages. Aou ! Aou ! Aou ! Aou ! Voilà. Et ça les perd. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. Donc, ils sont extrêmement violents. Leur réaction est complètement disproportionnée parce qu'ils ont peur, ils sont paumés. Ils ne savent pas quoi faire contre eux. Aou, ils vont crever un œil. Enfin, c'est quand même fou. Donc, maintenons le mouvement. Moi, la violence ne me fait pas peur, sauf celle envers les manifestants, bien sûr, c'est l'horreur. Mais les vitrines cassées, j'en ai rien à foutre. Hein. Je ne vois pas pourquoi on se prend la tête avec ça. Si on peut péter tous les lieux de pouvoir et de richesse à Paris, ça ne me gênera pas du tout. Je ne sais pas où sont les RG, là, ce soir. Et ben voilà, restons contre pouvoir et vive la subversion. Bon, enfin, juste bon, pour dire que, bon, effectivement, je pense que ce qu'il y a de très important, effectivement, c'est que quelque chose s'est passé qui était absolument pas attendu, absolument pas pensable. Le fait quand même que c'est la première fois que... Enfin, c'est pas la première fois, mais en tout cas, c'est une fois très forte où tout d'un coup, un pouvoir est devant un truc qui comprend absolument pas ce qui se passe. Bon, je dis que ce qui... Effectivement, je relais ce qui vient d'être dit, à savoir que ce qui me paraît très important dans la situation actuelle, c'est qu'effectivement, bon, il est arrivé quelque chose dites incompréhensible pour le pouvoir, incompréhensible pour les idéologues du pouvoir, incompréhensible pour ceux qui essayent d'expliquer comment les choses vont, etc. Et je pense qu'effectivement, c'est une force qu'il faut garder, effectivement, et qu'il faut garder. Oui, je suis absolument d'accord. C'est-à-dire qu'on est quand même... On voit bien que quand même, le problème, c'est que chaque grand mouvement, un petit peu comme ça, un peu étonnant, arrive quelques mois avant les élections, quoi. Et puis il y a effectivement, du coup, contre-pouvoir c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire que, comment on est vraiment contre-pouvoir, ça pose un problème, quoi. Et il y a un moment effectivement où, justement, on ne sait plus très bien comment on est contre-pouvoir. Et puis bon, les élections arrivent, il y a les listes, on est pour la liste, on est contre les listes, on est pour tel parti, on va pas. J'ai pas du tout envie de rentrer dans ces trucs-là, de dire, mais bon, c'est sûr en tout cas que il faut garder l'idée que un contre-pouvoir c'est un pouvoir absolument autonome par rapport à tous ce qui est effectivement de l'ordre de la représentation, tout ce qui est de l'ordre de tout l'ordre électoral. Ça, je crois que c'est absolument important. Cela dit, maintenant, une fois qu'on a dit ça, il reste la question, qu'est-ce que ça veut dire que être un contre-pouvoir sur un temps long, quoi. Et ça, c'est quand même ça qui est, à mon avis, qui reste ouvert, c'est-à-dire la capacité effectivement de faire quelque chose qui dure dans le temps sans être dans les formes effectivement de l'organisation telle qu'on le connaît, l'organisation évidemment pour avoir des voix aux élections, mais aussi l'organisation comme ça supposée révolutionnaire. Et ça c'est pas évident. Et j'avoue que moi en tout cas j'ai pas de recette, quoi, mais c'est quand même la question, parce que tout à l'heure on disait on fait ce qu'on veut, on veut que Macron s'en aille, mais bon, peu importe de savoir si Macron, je ne pense pas qu'il s'en ira de toute façon, quoi. Mais il y a tellement de substituts à Macron, quoi, que de toute façon, à la place de Macron, ça manque pas de gens pour la prendre, quoi. Et ça manque pas de force pour soutenir ceux qui voudront la prendre, quoi. C'est pour ça que lorsqu'on dit on est tous unis parce qu'on veut tous que Macron s'en aille, si Macron s'en va pas, comment on sera unis? C'est quand même ça le problème. Excusez-moi, désolé de prendre encore la parole. Je voulais juste faire un petit témoignage, rapporter un peu ce qui s'est passé sur les ronds-points, en tout cas là-haut du côté de la Bretagne. Ça a commencé de façon très sporadique, le vendredi soir qu'après c'est le week-end. Toute une communauté de gens qui ne se connaissaient pas du tout, d'horizons très diverses, sont rassemblés sur les ronds-points. Ça a duré la première fois 4 jours. On s'est retrouvés à Lannion, on est 20 000 habitants, il y avait presque 1000 personnes en week-end, en journée. 20 à 30 personnes par rond-point, c'est-à-dire entre 60 et 80 sur l'ensemble de Lannion. Mardi, on s'est fait dégager, il n'y a pas d'autre mot, par les forces de l'ordre. On a mis 3-4 jours à récupérer de la claque. La semaine d'après, on s'est réorganisé, on s'est restructuré avec des tracts, de l'écriture, pour réussir à refaire une grande manifestation au centre-ville et nous permettre de reprendre les ronds-points. On a repris les ronds-points et on s'est fait redégager un autre mardi qui précédait le 24 décembre. Et si on a quitté les ronds-points, qui étaient un lieu magique, ce qui s'est passé dès le premier week-end, ça a été que les gens qui étaient là, qui ne se connaissaient pas du tout, qui n'auraient jamais été amenés à se rencontrer, à discuter entre eux. Et les gens ont réappris à discuter avec des gens qui n'ont pas le même langage, qui n'ont pas le même lexique de vocabulaire. Et ça a été juste magique. On s'est organisé sur les ronds-points avec des tâches à faire, avec des feuilles de présence, avec une logistique, avec une création de maison des peuples, avec de la palette sur le rond-point. Et ça a été un moyen d'échange, de communication avec l'extérieur, de visibilité, de manifestation. Et ça, je pense que le pouvoir l'a bien vu, l'a bien compris. Et c'est pour ça que la première chose qu'il a fait, c'est nous dégager. Et quand on a été dégagé la deuxième fois, on a eu une interdiction outrancière, mais qui a fonctionné partiellement parce que les gens étaient impressionnés, de distribuer des tracts et d'être présents même juste à côté des ronds-points. Il y avait une véhémence de la part des forces de l'ordre de ne pas nous permettre de reprendre ces ronds-points. Et la mutation qui s'est faite à travers les maisons du peuple et les AG, ça a été une obligation de notre part. On ne l'a pas désiré, on ne l'a pas voulu. Nous, on voulait rester sur les ronds-points. C'est une très bonne chose pour nous. On s'y fédérait, on réunissait des gens, mais on n'a pas pu le faire. Et maintenant, le fait d'avoir quitté les ronds-points fait que finalement, il y a une scission qui se produit entre les gens qui veulent rester sur le terrain avec des actions plutôt de rue et des personnes qui veulent mener des actions plus sensibilisatrices auprès de la classe moyenne, auprès des autres personnes et ainsi de suite. Et que là, il y a une scission qui se produit entre les deux et que les gens qui restent sur le terrain commencent à se méfier des autres. Parce qu'ils ne sont plus avec eux, ils ne sont plus sur le même rond-point, ils ne discutent plus tous les jours. Et là, il y a une scission entre ces deux clans. C'est très regrettable. Et il faudra qu'on trouve un autre moyen de le faire, mais pour l'instant, on n'a pas d'autre solution. Merci. Alain ? En fait, sur la question du rond-point, de l'AG, du corps, de la rage. Tout ça, on vit l'épuisement des formes traditionnelles du politique et du syndical. Moi, je suis de culture syndicale. Et je comprends que les gens, puisque ça, c'est arrivé, il y a des gens des ronds-points qui disaient, je crois que c'était à Marseille, quand les raffineries étaient en grève, disaient, c'est pas possible, le délégué CGT disait, c'est pas possible, les camarades, ils sortent de la boîte, là, on est en grève, ils vont sur le rond-point. En fait, toutes les paroles collectives des organisations et des partis, de Mélenchon à l'extrême gauche dite radicale, elle est, cette parole est complètement formalisée, fortement désincarnée. On veut être unis alors qu'il faudrait discuter, échanger, s'engueuler, en fait, au lieu qu'il faudrait s'engueuler tout le temps. Et en fait, les gens, ils veulent de l'unité alors que ça n'avance à rien. Et du coup, ça n'avançait plus à rien. Et du coup, le rond-point qui se retrouve en AG ou en assemblée, on voit bien l'idée. On ne peut pas rester là. Le problème du rond-point, c'est qu'il y a des gens qui ont même envie de bouger, quoi. Le samedi, excuse-moi, s'il n'y a plus de manif le samedi, on est un peu mal. Hein, il faut continuer le manif du samedi, mais ça sera sur le débat sur l'émeute. C'est comment on fait après, comme vient de le dire Jacques Rancière. Comment on continue à être unis sur le long terme parce que le Macron démission, oui, ok, mais comment on fait après? Mais comme on est en entre-deux, là. Donc du rond-point à la Maison du Peuple, c'est bien. Sauf si la Maison du Peuple, ça ne transforme pas en Bourse du Travail de Montreuil ou la Bourse du Travail de Paris. C'est-à-dire des lieux désincarnés qui ont repris un peu de vie au moment de Nuit Debout, parce que tout le monde réservait n'importe quoi, et même à un moment donné arrivait à occuper la bourse, mais ça a quand même un peu irrité les camarades apparatchiks, pour aller vite, hein. Et du coup remettre un peu d'ordre là-dedans, pour que cette bourse ne soit pas celle qui existait à l'époque de Pelloutier, pour aller vite, hein. Donc on est entre deux là, et de cet entre deux, il y a le corps qui bouge, quoi. Le corps il bouge, et on s'aperçoit que quand le corps il bouge, il prend des formes un peu traditionnelles. On a remarqué quand même ces derniers temps à Paris, que quand on dépose des manifs, c'est encore plus violent que quand on se promène, comme on l'a fait avec les gilets jaunes de Montreuil samedi dernier, où on a fait le Carrefour, le McDo, Printemps Nation, et justement, à un moment donné, on a voulu tourner autour de la place de la Nation, et deux camarades se sont fait interpeller, un peu mani militari, par des baqueux, puisque effectivement, ils sont moins doués, ou ils sont beaucoup plus violents que les autres. Bon, c'est ce qu'on dit, mais bon, ils sont quand même, ils sont là pour nous mater depuis le début, depuis très longtemps, et ça, c'est Foucault qui nous l'avait déjà dit. Tuer la police et la justice, c'était main liée. Donc en fait, on est dans cette rage que disaient des gens. Et donc, le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils collectifs à subvertir cette rage. Donc, soit on part comme ça contre des murs de CRS et on se fait bananer. Et alors qu'il y a des moments, on se disait, putain, il y a des gens qui, au début, partaient dans tous les sens. Voilà. Et après, ça, c'est la vitrine, c'est le quotidien. Il en faut des moments comme ça. Et après, il faut. Comment on pourrait continuer? En fait, et je pense que ça passe par une forme d'AG, mais comment on pourrait produire du contre-pouvoir qui serait, comme le dit Jacques Rancière dans son œuvre, qui produise de l'égalité à long terme, quoi, hein ? Puisque cette idée que vous avez défendue, qu'on peut faire la révolution pendant une heure, deux heures, trois jours, plusieurs semaines pour la commune, on voit bien que c'est possible et que déjà, ça nous fait vivre des trucs énormes, quoi. Donc, on ne fera pas l'impasse d'Assemblée Générale où on confronte nos points de vue pour pouvoir faire des choses. Et ouais, essayons de profiter qu'on soit tous ensemble pour faire des choses. Et peut-être que les points fixes de la Croix de Chavaux, pour parler de Montreuil, puisque moi je vis à Montreuil depuis trop longtemps, ouais, qu'on occupe, qu'on bloque des choses, qu'on continue à discuter avec les gens. Hein, moi, je ne vois pas d'autres. Mais on a un moment charnière, en fait, de ça. Et ça sera jamais plus comme avant, mais c'est sûr que je pense pas que ça nous amuse, là, les élections européennes, mais tout le monde s'en tape, non? Franchement, sérieux, non? C'est pas ça qui nous intéresse quand même, non? Et puis, il y a la question de la transmission, du matraquage, mais je pense qu'en fait, les gens, ils sont sur des réseaux alternatifs, vous lisez tous Paris Lutte Info, j'imagine, vous ici, donc vous regardez plus le journal de 20h, non? Mais on est quand même matraqué. Si on va dans un café à Montreuil, il y en a BFM Télé, donc faut peut-être demander au cafetier d'arrêter la télé, mais vous voyez, il y a plein de choses qui nous parasitent encore pour pouvoir nous installer dans quelque chose qui va produire un peu de temps d'égalité, comme vous dites très très très justement, et d'égalité émancipatrice pour que, franchement, il n'y ait plus de Macron du tout, quoi, il n'y ait plus de Mélenchon du tout, et puis qu'il y ait quelque chose d'autre qu'on invente, et que effectivement ça a commencé par le gilet, mais j'aimerais bien qu'on aille au-delà du gilet, au-delà du rond-point. sachant qu'il y a quand même des gens qui veulent se bouger et d'autres peut-être prendre le temps de réfléchir, mais il y a un truc sur le bouger, réfléchir et avoir un contre... Enfin, que ça marche, que ce qu'on fait. Bon, je vais trop loin après. J'arrête. On fait une dernière prise de parole avant de passer au thème suivant. Oui, moi je rejoins aussi ce que vient de dire ce monsieur et je m'inscris plutôt en faux avec ce qu'a dit la dame avant, à savoir qu'il fallait rester sauvage. Moi je trouve aussi qu'au départ, comme élan, c'est quand même intéressant d'y aller avec le corps, d'y aller avec de la colère, d'y aller avec des émotions et d'avoir envie que ça change. Et ça peut être un bon élan au départ. Maintenant, pendant qu'on prend ce plaisir peut-être à s'exprimer, ben, faut pas quand même perdre de vue le fait que le capitalisme a engendré un monde qui produit quand même beaucoup d'inégalités, pas seulement pour les Français, pour les Chinois, pour les Asiatiques, pour tout le monde. Il y a des gens qui travaillent trop, d'autres qui travaillent pas. Il y a des gens qui gagnent trop d'argent, d'autres qui n'en gagnent pas. Il suffit d'aller ici dans le 93, aller voir les vieilles cités. Il y a encore des misères atroces qu'on voit même pas à la télé. Donc en fait, je pense qu'à un moment, de cette force, il faut en effet en faire quelque chose. Et rester sauvage, c'est pas trouver un ordre symbolique à mettre en place. Et ce qu'il faut, c'est trouver des idées, discuter, se challenger, en effet déranger, avoir des nouvelles idées, parce que le monde d'aujourd'hui, il est nouveau, on a du mal à le comprendre, il est complexe, on est dans le virtuel, on détruit la planète, etc. C'est pas les idées du passé qu'il faut mettre en place, c'est des idées d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des gens qui innovent dans la pensée. Et après, quand on aura trouvé des bonnes idées, il faut que tous les gens qui soient là, on apporte notre corps pour donner de la force à ces idées-là. Parce que je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'idée qu'il faut restructurer le monde autrement. Il faut trouver une nouvelle structure. Oh non, juste rapide pour dire que sauvage, ça ne veut pas forcément dire rester sauvage, ça ne veut pas forcément dire, se contenter d'aller régulièrement casser des vitrines. Ce n'était pas non plus l'idée. Rester sauvage, ça veut dire, pour moi en tout cas, rester effectivement complètement, disons, hors d'un certain jeu, hors du jeu dans lequel normalement tous les mouvements sont appelés un petit peu à rentrer. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout d'opposition entre les différentes interventions, sauf qu'effectivement, ça renvoie à dire que, d'une certaine façon, toute forme est bonne pour autant qu'elle produit l'imagination constante. Parce que malgré tout, le problème, effectivement, maintenant, du long terme, quoi, il faut trouver d'une certaine façon des idées tout le temps. C'est-à-dire, trouver des actions surprenantes un peu tout le temps, quoi. Et effectivement, l'Assemblée générale, si c'est effectivement pour que chacun amène son petit truc pendant 3 minutes, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais en revanche, si ça veut dire que chacun est égal pour apporter des idées, pour savoir s'il n'y a pas des choses qu'on pourrait faire tous les jours, pour effectivement... unifier un mouvement sur la base effectivement d'une espèce d'imagination qui progresse pour créer quelque chose comme un contre-monde, quoi.